de bataille. C'est vachement du rail d'être pris pour du bétail. C'est un vrai guépier d'être troupier quand on a mal au pied. Hey, vaut mieux rêver à une fille à aimer. Hein? C'est ce que j'ai dit, une belle fille à aimer. Je l'imagine tonkinoise avec des yeux turquoise. Moi je veux qu'elle admire ma force, les coutures sur mon torse. Moi qu'elle soit grosse ou qu'elle soit fine, je suis pas misogyne. Du moment qu'elle fait bien la cuisine, bœuf, porc, poulet. Moi c'est sûr, tu tombes toutes les filles comme des fruits mûrs. Elle préfère l'allure d'un dur de dur en armure. Vous imaginez pour un guerrier qui veut le plus manquer. J'ai deviné, une belle fille à aimer. La mienne me trouvera beau, la mienne pas trop gros. Que diriez-vous d'une fille qui pense, d'une grande clairvoyance? Non, non. Qui séduit leur cœur. Écoute donc ce grand séducteur. Une belle fille m'attend depuis bientôt 40 ans. Depuis tout ce temps, elle n'a sûrement plus de dents. Quand nous reviendrons dans des années sous couvert de laurier, nous trouverons fait rêver.